sommes-nous en route vers une civilisation de type 1 ? Beaucoup de scientifiques, ce n'est pas une nouveauté, recherchent activement des traces de vie dans l'univers. Nous avons déjà identifié des milliers de planètes telluriques dans notre galaxie, des centaines susceptibles d'abriter la vie. Kepler-438b est même considéré comme une planète jumelle à la Terre, c'est-à-dire ayant les conditions environnementales similaires à notre planète. Mais trouver une vie microbienne n'est pas très palpitant, n'est-ce pas ? Même si bien sûr cette découverte apporterait un grand nombre de connaissances, nous rêvons quand même d'un peu plus. Des organismes complexes, une vie intelligente, voire carrément, une civilisation. Et c'est justement la préoccupation du SETI. Ce programme d'origine américaine analyse l'espace dans le but de détecter des signaux émis par des civilisations extraterrestres potentielles. C'est le plus connu, mais il existe une autre façon de scruter le ciel à la recherche de civilisations. Ce n'est pas en écoutant l'espace, mais plutôt en essayant de percevoir leur consommation d'énergie. Ce que les astrophysiciens recherchent, ce sont des traces de civilisations de type 1, type 2 ou type 3. Alors ça n'a rien à voir avec le film Rencontre du troisième type de Spielberg, mais c'est une méthode proposée en 1964 par l'astronome soviétique Nikolai Kardashev pour classer des types de civilisations en fonction de leur technologie et consommation d'énergie. Une civilisation de type 1. Elle est capable d'utiliser et a besoin de toute l'énergie de sa planète d'origine. C'est une civilisation planétaire qui possède des technologies si avancées qu'elle peut contrôler la météo, les courants marins, les volcans, les tremblements de terre et autres phénomènes naturels pour en tirer de l'énergie renouvelable et non polluante. Une civilisation de type 2 est capable d'utiliser et a besoin de toute l'énergie de son étoile. Ils peuvent changer les périodes glaciaires, dévier les trajectoires des astéroïdes et même empêcher la mort de leur soleil en lui réinjectant du combustible. Cette civilisation pourrait utiliser la technologie théorique appelée sphère de Dyson, une gigantesque mégastructure autour de l'étoile destinée à collecter son énergie. Une civilisation de type 3 est capable d'utiliser et a besoin de toute l'énergie de sa galaxie. Cette civilisation galactique possède une technologie si avancée que le tissu de l'espace-temps est leur terrain de jeu. Ils ont colonisé leur galaxie d'origine à coups de dimensions supplémentaires, trous de ver, ou encore de l'utilisation de l'énergie noire. Il s'agirait des civilisations les plus anciennes, comparables à l'Empire de la saga Star Wars ou du cycle Fondation d'Asimov. Alors bien sûr, nous n'avons jamais détecté aucun de ces types de civilisations pour l'instant. Rien ne nous affirme que ce classement est correct. Mais il peut néanmoins nous permettre de nous situer dans cette jungle qu'est l'univers. Alors, où en sommes-nous ? Eh bien, nous sommes une civilisation de type 0. Nous obtenons notre énergie de plantes mortes, il y a des millions d'années, en polluant la planète sans vergogne. D'après l'astronome Carl Sagan, l'humanité traverse sa phase d'adolescence technique, typique d'une civilisation sur le point d'intégrer le type 1. Mais est-ce qu'on en est loin ? Quand passerons-nous le cap ? Selon le physicien Michio Kaku, la réponse est dans une centaine d'années. Aux alentours de la fin du siècle, nous deviendrons une civilisation de type 1 et nous en voyons les débuts dès maintenant. Qu'est-ce qu'Internet ? Internet est un système de communication de type 1. Qu'est-ce que l'Union Européenne ? Les prémices d'un système économique de type 1. Qu'est-ce que l'anglais ? Une langue globale de type 1. Nous sommes témoins de la plus grande transition dans l'histoire de l'humanité. La transition entre type 0 et type 1. Les générations vivant aujourd'hui ont le privilège de voir les premières contractions de la naissance d'une civilisation de type 1. Une civilisation planétaire capable d'utiliser l'énergie naturelle de la planète, ayant une économie planétaire, un gouvernement planétaire, une langue planétaire. Une civilisation qui a atteint une maturité technologique, une responsabilité environnementale et qui sera prête à se tourner vers les étoiles. Est-ce que ce sera à la fin du siècle ? Au rythme de la croissance exponentielle de nos technologies, cela semble plausible, mais encore faut-il éviter l'extinction que pourraient causer ces mêmes technologies. Article, histoire courte de science-fiction, podcast. Si vous en voulez plus, je vous invite à visiter le blog The Flares, et pour ceux qui souhaitent donner leurs hypothèses sur le futur, rejoignez le collectif. L'avenir est une nuit noire dans laquelle nous ne pouvons pas nous permettre d'avancer aveuglément. Je m'appelle Gaëtan, du collectif The Flares. Nous sommes vos fusées éclairantes. Nous sommes The Flares. Merci et à bientôt.